Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM, émission Calendrier des esclavages et des libérations. Alors que s'est-il passé ? Tout d'abord, je vous souhaite une bonne année 2020. Enfin, déjà une pas mauvaise année, une année non macronienne. Hein, ça serait déjà pas si mal. Une année non macronienne. Ah oui, ça nous ferait du bien, ça vous soulagerait. Ouf, oh là là. Enfin, bon, il ne suffit pas de rêver, il faut aussi agir, hein, agir, et agir fortement, et longtemps. Hein. Ouais, les gilets jaunes, ça fait un an qu'ils agissent, eux. Et puis les grévistes, ça fait un peu plus d'un mois. Et puis voilà, hein, enfin, bon, si tout le monde agissait vraiment fort, et bien, il n'y aurait pas besoin d'agir très longtemps, on aurait vite un résultat. Mais voilà, il faut que tout le monde se décide. Il faudrait que tout le monde se décide. Il faudra que tout le monde se décide. Alors, la revue de presse, hein, puis ensuite, grand oral d'Édouard Philippe. Ah oui, Édouard Philippe, il passe des examens régulièrement, le Premier ministre, voilà. On lui pose des questions, puis il répond bien ou il répond moins bien. On lui met une bonne note ou une mauvaise note, on estime qu'il est reçu ou qu'il est recalé. Éric Coquerel sera sans pitié pour la loi de finances. La seule issue, retrait de la réforme des retraites, par Adrien Quatennens. Ensuite, en trois épisodes d'Adrien Quatennens, parce que en tout, il y en a 46 minutes, hein. Et oui, il parle pas souvent très longtemps, Adrien Quatennens, vous remarquerez, mais est-ce que ses discours sont denses, hein. Il dit beaucoup de choses en peu de mots, et là, pour une fois, en plus, il parle longtemps. Ah oui, je vous garantis que ça vaut le coup. Et puis, coup de gueule de Philippe David BlackRock. Il va une question des BlackRock, hein, BlackRock. Ah, ça c'est quelque chose encore d'étonnant. On n'avait pas entendu parler de ce truc-là. Eh bien, c'est pas brillant, hein. Voilà encore une découverte. Et puis, il sera question des droits de l'homme aussi. Et puis, bah, il y aura des chansons, hein, notamment une histoire, un sketch de Les vœux de joie de Charline, hein, notre amie belge, qui collabore avec les Vosgiens et qui coopère avec les Vosgiens, parce que collaborer, c'est pas trop bien, non, c'est pas bien. La collaboration, c'était une autre époque, et voilà, hein, ouais, oublions ça vite. Voilà, bonne soirée. Le calendrier des esclavages et des libérations. Que s'est-il passé ce 13 janvier, enfin, les 13 janvier? Le 13 janvier 1893, par exemple, en Grande-Bretagne, il y a eu le premier congrès de l'Independent Labour Party, premier parti des travailleurs, fondé en 1892. Parti de travailleurs. Tiens, si on fondait un parti de travailleurs en France. Ah ben, il y a déjà un mouvement, il y a déjà le parti gauche, puis il y a le mouvement la France insoumise, déjà, si on veut bien. Ah oui, on peut déjà s'engager, si on veut. Si on veut que ça change, si on veut que ça bouge, si on veut arrêter de subir. 1909, Brésil, le comité central de la grève des cheminots s'adresse aux commerçants. Il lance un appel à leur patriotisme contre la toute-puissance financière des Anglais. Alors on pourrait dire la même chose maintenant en remplaçant les Anglais par plus largement les capitalistes. Hein. 1915, France. La Grande Guerre dure depuis 7 mois. L'Union des syndicats du Rhône adopte une résolution. Elle place l'intérêt général de l'humanité, avec un H majuscule, la humanité, au-dessus de toute considération secondaire. Elle affirme hautement le principe toujours vivant de l'internationalisme ouvrier. Et elle se dit prête à se rallier à toute action sincère qui sera tentée pour établir à bref délai une paix équitable et définitive. Équitable et définitive. Si le coup avait été réussi en 1915, eh bien la guerre se serait terminée donc rapidement, un an seulement, au lieu de 4 ans. 1 million de morts au lieu de 8 millions de morts, peut-être. Et puis, la Deuxième Guerre mondiale n'aurait jamais eu lieu. Ah ben oui. Ben voilà, comme ça, bon, que voulez-vous? L'intelligence supérieure de l'humanité par rapport au reste de l'espèce bougeante et trébuchante et éternuante, etc. Oui, ben, c'est pas montré encore la supériorité. Hein, ben oui, on a un cerveau qui est relativement pesant, volumineux, mais on n'en fait pas toujours forcément le bon usage. 1919, Pérou, grève générale révolutionnaire du prolétariat. 1919. 1920, Allemagne, manifestation de masse devant le Reichstag, c'est-à-dire la diète de l'Empire, organisée par le KPD, Parti communiste, et la USPD, Parti socialiste indépendant, pour protester contre la loi sur les conseils d'entreprise, discutée en deuxième lecture. La police ouvre le feu. 42 morts et 105 blessés. L'état d'exception est proclamé à Berlin. Alors l'état d'exception tiré sur la foule, sur les manifestants pacifiques, c'est voilà, c'est comme ça qu'ils réagissent les gens de droite et les gens d'extrême droite. Et on était qu'en 1920, Hitler n'avait pas encore fondé son parti, il l'a fondé en 1923, mais déjà ça sentait la poudre, ça sentait déjà le Maccabée. Hein? Eh oui. Bref. 1921, Chine. Première grande grève des marins de Hong Kong pour la reconnaissance de leur syndicat et une augmentation de salaire. Alors oui, à propos de l'Allemagne, bien sûr, les marchands d'armes avaient besoin de vendre des armes. Hein? Alors donc, tous les moyens étaient bons pour eux, pour pousser le peuple à la révolte d'abord et ensuite à la renonciation, hein? À la soumission. 1921, Chine, première grande grève des marins de Hong Kong pour la reconnaissance de leur syndicat et une augmentation de salaire. 1935, Allemagne, par référendum, la population de la Sarre opte à 90,5% pour l'Allemagne. Voilà, on avait demandé aux Allemands s'ils voulaient rester français parce que la Sarre est occupée par l'armée française ou s'ils voulaient redevenir allemands. Eh bien, 90,5% pour l'Allemagne. On était au courant. Et Hitler n'était au pouvoir que depuis 2 ans. Donc, ça veut dire les nazis avaient été capables de prendre en main sérieusement le peuple allemand. Hein. Il avait pris en main avant de prendre le pouvoir, bien sûr. Ah oui, parce que les électeurs, on s'en occupe avant les élections, hein. Et puis alors après les élections, alors là, on va pas se gêner, hein. Ah, le peuple, une fois les élections passées, là, on s'occupe de le dresser pour l'élection suivante, hein. Le dressage, on fait. Alors, c'est un apport non négligeable à la politique de Hitler. La réunification est fixée pour le 1er mars. Premiers évêques catholiques et le responsable de l'église protestante d'Allemagne avaient ordonné des prières pour le bon résultat du vote. Alors, plusieurs évêques catholiques et le responsable de l'église protestante d'Allemagne avaient ordonné des prières pour le bon résultat du vote. Alors, c'était quoi le bon résultat du vote pour les églises? Hein? Ben, la réunification d'Allemagne, bien entendu. Ah oui, le Grand Reich, qui était destiné à dominer l'Europe et davantage. 1950, URSS, la peine de mort est réintroduite. Ah oui, elle avait été supprimée. 1958, pétition adressée à l'ONU par 9935 savants pour l'arrêt des expériences nucléaires. 1976, Équateur, coup d'État. Une junte présidée par l'amiral Poweda va mettre en route une politique de, entre guillemets, sécurité nationale. Ne pas oublier toujours de mettre des sécurités, des guillemets avant et après cette expression-là, sécurité nationale. C'est plus prudent. 1942, France. Le Conseil des ministres fixe la durée hebdomadaire du travail à 35 heures et instaure la cinquième semaine de congé payé. En France, en 1982. Tiens, on avait bien voté en 1981, quand même. Ah oui, on a eu des retombées positives. Eh oui, depuis, oui. Voilà, les électeurs, ils font ce qu'ils peuvent, ils font ce qu'ils veulent. Enfin, ils se figurent qu'ils font ce qu'ils veulent. Mais ils sont bien conditionnés par la télé que je ne qualifierai pas. 1982, Pakistan. Rapport d'Amnesty International sur la violation des droits de l'homme au Pakistan. Il dénonce l'arrestation de milliers de personnes pour délit d'opinion, la pratique systématique de la torture et l'exécution de centaines de personnes chaque année, y compris des prisonniers politiques. Voilà, vous voyez, en 1982, le monde était déjà beau, hein. Ah oui, oui, et puis déjà en 1893, et puis en 1921 aussi, hein. Oui. Oh, l'humanité, elle a de sérieux progrès à faire pour avoir le droit de s'appeler humanité. Hein? Humanité, ben oui, elle est très souvent inhumaine, l'humanité. Hein? Alors voilà, en progrès, peut mieux faire. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants. Avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Petit Papa Noël, quand tu descendras fait par milliers. N'oublie pas mon petit soulier. Le marchand de sable est passé, les enfants vont faire dodo, et tu vas pouvoir commencer avec ta hotte sur le dos. Au son des cloches des églises, ta distribution de surprise. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, mon petit soulier, et si tu dois t'arrêter sur les toits du monde entier, tout ça avant demain matin, mets-toi vite, vite en chemin. Tu seras sur ton beau nuage, viens d'abord sur notre maison. Je n'ai pas été tous les jours très sage, mais j'en demande pardon. Petit papa Noël, quand tu petit soulier, petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier, petit Papa Noël. Une petite revue de presse ? Eh bien, allons-y. Alors, Nancy, justice, 643 kg de cannabis saisi. Les convoyeurs sont écroués. Alors, rappelons que 643 kg de cannabis, il y a une trentaine d'années, peut-être une quarantaine d'années, quand les douaniers ou les policiers attrapaient 60 grammes, c'était une grosse prise. Une grosse prise à l'époque. Maintenant, c'est plus 60 grammes, c'est 643 kilos. Oui, bon, qu'ont fait les polices, qu'ont fait les douanes et qu'ont fait les gouvernements depuis tout ce temps pour que la consommation de drogue augmente de cette manière-là? Hein, j'espère qu'ils ne sont pas intéressés par le fait que les gens, outre la consommation massive de télévision débile, se rabattent aussi sur d'autres drogues. Hein. Ah ben non, ça serait quand même très très très vexant. Je parlais tout à l'heure de l'humanité qui avait besoin de faire des progrès. Hein. Eh ben oui, là ça serait grave. Enfin, espérons que non. Le directeur des hôpitaux d'Épinal, pardon, et Remiremont. Et sur le départ, voilà, il s'appelait Éric Sansalone, ou il s'appelle encore, parce que il est prêt à partir, mais est-ce qu'il va partir? Et puis, est-ce que c'est un bien, ou est-ce que c'est un mal? Ou est-ce que c'est un peu des deux? Ah, ça, allez savoir, moi j'en sais rien, hein, je peux pas vous le dire. J'ai lu que le titre là, puis d'ailleurs dans l'article, il y a pas de précision plus que ça. Un nouveau bâtonnier au barreau d'Épinal. Alors ça, voilà des mots qui sont intéressants. Bâtonnier et barreau. Hein, vous imaginez, vous avez quelqu'un qui vous embête dans la rue ou ailleurs, eh bien vous prenez un bâton, hein, et vous lui donnez des coups de barreau pour le punir. Voilà, c'est ça la justice. Eh oui, c'est pas des mots ordinaires, hein, qu'on utilise en justice. Ah non, non, non, le vocabulaire de tous les jours et de tout le monde, c'est pas pour... Non, non, non. Vers la guerre entre les États-Unis et l'Iran. Point d'interrogation. Des menaces aux actes. Les États-Unis ont éliminé à Bagdad un général iranien. En quelques jours, le climat de tension entre Américains et Iraniens a basculé vers une possible guerre. Téhéran promet de se venger. La communauté internationale exprime sa vive inquiétude. Eh oui. Il suffirait d'une étincelle pour que les marchands d'âmes recommencent à faire des affaires. Parce que, en ce moment, ils vendent des armes, ils en vendent régulièrement, mais pas assez à leur goût quand même. Hein. Ils voudraient bien vendre plus des armes. Parce que vendre des armes, ça rapporte beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup. Eh oui. Et puis, bon, les pansements, les cercueils, etc., les maisons qu'il faut construire, les routes qu'il faut réparer, les ponts qu'il faut refaire. Enfin bref, après une guerre, il y a du travail. Hein. Ah oui, il y a du chiffre d'affaires en vue. Du chiffre d'affaires, oui. La sueur pour les uns, ben ceux qui ont déjà eu le droit à la sueur et au sang pendant la guerre, ben ils ont droit à la sueur après la guerre pour rebâtir. Et puis les autres, eh bien ceux qui commandaient pendant la guerre, eh bien ils commandent encore après. Ouais, ils commandent les banques, les entreprises qui reconstruisent, etc. Voilà, c'est comme ça. Eh oui, c'est un cycle. Ouais. Politique, retraite, la guerre des communication continue. Alors, c'est pas la même guerre, mais ça se ressemble quand même. Alors que les négociations doivent reprendre le 7 janvier pour trouver une issue au conflit social sur la réforme des retraites, syndicats et gouvernements se livrent à une guerre de communication pour tenter de gagner la bataille de l'opinion. Alors ça, c'était Vosges Matin du 4 janvier 2020. Alors voilà. Voilà. Hein? Ben oui, vous voyez, le temps passe hein, quand même. Ce qui attend les remaremontains durant l'année 2020. Alors, il y en a une demi-page. Alors, il y aura un Burger King. Il y a la vieille Remiremont, un hôtel de luxe, un nouveau cinéma, une montée historique, etc. Voilà, il va se passer des choses très importantes. Et le chômage va baisser radicalement à Remiremont. Oui, oui, parce que les élus des environs, de la circonscription, vont s'y mettre, ils vont retrousser les manches, ils vont se cracher dans les mains, et ils vont s'attaquer au chômage. Alors comment est-ce qu'ils vont s'y prendre? Est-ce qu'ils vont relancer les travaux publics pour employer du monde? Est-ce qu'ils vont diminuer la semaine de travail de 30, 35 heures? On va peut-être passer à 28 heures, 29, 30 heures, de manière à ce que ceux qui n'ont pas de travail en aient. Hein. Par exemple, est-ce qu'ils vont procéder à une relance de l'économie? Enfin bref. Est-ce qu'ils vont arrêter aux frontières les produits qui sont fabriqués de façon anormale, amorale, injuste, dans les pays où on fait travailler des enfants dans des conditions insalubres, etc. Et, on arrêterait ces marchandises à la frontière et puis on fabriquerait nous-mêmes ces produits-là. Eh oui. Peut-être un peu plus cher, oui, mais voilà. Hein. Enfin, espérons, pensons. Donc, ce qui attend les remariementains durant l'année 2020, les remariementains et les autres, hein, parce que on sera pas mieux traités que les voisins, et les voisins seront pas mieux traités que nous. Faut pas se faire d'illusions. Hein. Tant qu'il y aura des Macron au pouvoir, des Macron, des Sarkozy, des Hollande, des Chirac, etc., hein, c'est tout la même espèce. Hein. Ben oui. Eh bien, faut pas attendre une aide des amis lorrains du Laos pour bâtir une école. Énergie renouvelable citoyenne se structure. Les citoyens fondateurs de l'association Énergie renouvelable citoyenne Vologne-Moselle se sont répartis en plusieurs commissions une structuration mise en place pour plus d'efficacité. Le futur site internet permettra à chacun d'être acteur de la transition énergétique. Ça, c'est une initiative à suivre. Parce que, à mon avis, il n'y aura pas que des paroles, il y aura aussi des actes. Il y aura des chiffres, on pourra mesurer l'efficacité de l'initiative. Eh oui, ben oui, il y a des gens qui parlent et puis il y a des gens qui agissent. Voilà. Hein. Alors donc, l'énergie, c'est un problème très, très important en ce qui concerne l'énergie elle-même, la consommation d'énergie, en ce qui concerne la pollution, donc la santé, le climat. Hein, donc là encore, la pollution et la santé, etc., tout est lié. Si on résout les problèmes d'énergie de façon correcte, intelligente, digne d'un machin qui s'appelle l'humanité, d'une chose qui s'appelle l'humanité, d'un ensemble d'individus qui a la présomption de s'appeler humanité, eh bien, on commencera à devenir humain. Oui, on recommencera à devenir humain parce qu'on l'a été à un certain moment. Hein. On parle autant, pas tout le temps, mais quand même. Hein. Alors, il manque, massif des Vosges, climat. Il manque 100 ou 200 mètres d'altitude aux Vosges. Tiens. Alors, tiens, c'est bizarre ça. Tiens, c'est bizarre. Selon Pierre-Marie David. Ah, Pierre-Marie. La limite pluie-neige se situe désormais aux environs de 1100 mètres sur le massif, ce qui explique le manque de neige plus bas, une conséquence du réchauffement climatique. Ouais, réchauffement climatique. Eh ben, voilà, hein. Alors, que va-t-il se passer encore prochainement? La retraite, une semaine cruciale. Le gouvernement fait sa rentrée ce lundi, avant les négociations qui reprennent mardi avec les syndicats. Deux journées d'action sont prévues jeudi et samedi avec en plus la menace de blocage des raffineries de dépôt de carburant par la CGT. Eh oui, la CFDT ne fait pas ce genre de choses. Hein. La CFDT, non, c'est un syndicat réformiste. Oui. Alors vous savez ce que c'est qu'un syndicat réformiste? Ben, c'est un syndicat qui est pour les réformes de Macron. Hein. Oui, donc c'est un syndicat qui ne réforme rien. Voilà, qui est complètement comme Macron, parfaitement réactionnaire. Alors, dans le monde, il y a deux sortes de gens. Il y a les progressistes, ceux qui vont de l'avant, ceux qui, chaque fois qu'ils font un pas, ben, ils ont avancé d'un pas. Et les réactionnaires, ceux qui font un pas, ben, chaque fois qu'ils ont fait un pas, ben, ils ont reculé d'un pas. Ouais. Progressistes vers l'avant, réactionnaires vers l'arrière. Eh bien, voilà, la CFDT était... Elle a été un temps un vrai syndicat, il y a longtemps, hein, il y a 30 ans. Hein. Et maintenant, c'est plus un syndicat, c'est une sorte de courroie de transmission, un machin qui nous veut du bien, soi-disant, oui, mais qui nous fait beaucoup de mal, avec d'autres, hein, pas tout seul. Ah ben non, il faut pas tout leur mettre sur le dos. Moyen-Orient, Bagdad ne veut plus des Américains. Voilà, Bagdad ne veut plus des Américains. Alors, incendie, l'Australie est... Bon, voilà, l'Australie est en feu. Alors, peut-on se demander s'il n'était pas possible de lutter plus efficacement contre les incendies en Australie? On peut toujours se poser la question, hein? Eh ben oui, parce que c'est un pays quand même qui est loin d'être pauvre. Ils ont les moyens de se payer quelques canadaires supplémentaires. Et puis des pompiers professionnels, parce que on a beaucoup entendu dire ces temps derniers que les pompiers qui intervenaient sur les feux, c'était surtout des pompiers bénévoles. Eh oui, bénévoles. Alors chaque fois qu'on emploie un bénévole, ben on crée un chômeur. Eh oui, ben voilà. Alors état d'âme de Lorrain, cher lecteur, l'actualité de ces jours de fête a été riche et vous n'avez guère hésité à le commenter. Retraite, Macron, grève, Gaune, vous avez distillé vos points de vue avec célérité. Eh oui, les gens y pensent et ils disent ce qu'ils pensent, parfois, souvent, voilà. Alors, un homme armé qui a attaqué en criant « Allah Akbar ». Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, voilà, c'est un cri de religieux fanatique. Alors, vous me direz, religieux fanatique, c'est la même chose. Ah non, non, non, non, non, non. On peut être religieux, simplement, et puis on peut devenir fanatique par la suite. Oui. Dans quelle religion? Oh ben, regardons les livres d'histoire, on verra que toutes les religions, à un moment donné, ont été du côté des fanatiques, ont eu des fanatiques parmi leurs membres. Réforme des retraites, les professions libérales entrent dans le mouvement. Eh oui. L'art et la manière de fabriquer des mécontents, Monsieur Macron. Voilà, bon. Alors, Jules Périgaud, inventeur du code de la route. Ah, vous voyez, Jules Périgaud, normand d'origine. Jules Périgaud fut patron des papeteries d'Arche de 1888 à 1936. Maire de la commune, administrateur des eaux de Vittel en 1910 et président de l'Automobile Club des Vosges, il a publié en 1905 un règlement de bonne conduite automobile qui est devenu progressivement le code de la route. Et on a institué le permis de conduire, qui permet d'éviter un certain nombre d'accidents ou d'en limiter la gravité.

Mais au fond, pourquoi les gens font grève? Elle est très bien, cette réforme. Dans ce que j'ai proposé aujourd'hui, il y a un nombre considérable d'avancées, de progrès sociaux. Nous avons tout intérêt à créer un système de liberté et de responsabilité. Un système universel, efficace, juste, qui donne du progrès. Ce système qui est plus juste, qui est plus solide, qui est plus équitable aussi, pour tout le monde. Et c'est vrai que je suis déterminé, parce que je pense que ce que nous faisons est juste et important pour nos enfants. Alors, bon, moi, vous savez, il y a un proverbe que j'aime bien, parce que je l'ai inventé, qui dit « Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai ». Là, dans cette séquence, il y a plein de petits mots qu'on a vu passer et qu'on a mis en valeur, qui, et ceux qui nous suivent les auront reconnus, sont ce qu'on appelle en rhétorique des concepts opérationnels. Un concept opérationnel, ce sont ces concepts creux, flous, qui ne veulent pas dire grand-chose, qui ne sont d'aucune utilité pour articuler une réflexion. Leur seule fonction, c'est de mobiliser notre enthousiasme. Au fond, ils servent à mettre tout le monde d'accord. La preuve, c'est qu'il serait impossible de prétendre l'inverse. Si je reprends les mots d'Edouard Philippe, évidemment que personne ne souhaite une réforme fragile, injuste, insignifiante, inefficace et inéquitable. Or, toute la question, ce n'est pas de savoir si l'on veut une réforme juste et solide. Tout le monde est d'accord avec ça. La question, c'est de savoir comment on parvient à cette réforme juste et solide. Et en l'occurrence, tout le monde ne semble pas d'accord avec le gouvernement, et notamment pas les syndicats qui appellent à la grève. Ce qui pose une deuxième question. Au lieu de faire la grève, pourquoi est-ce qu'ils ne négocient pas? J'ai indiqué que sur beaucoup de sujets, nous n'étions pas fermés, que ma main était tendue, que ma porte était ouverte. Nous ne sommes pas fermés. Mais nous sommes déterminés. C'est vrai que je suis déterminé. Je ne suis absolument pas agressif. Je ne suis pas dans le ressentiment, je ne suis pas dans le vocabulaire guerrier. Et je ne veux pas qu'il y ait de vainqueurs ou de vaincus. Alors, le gouvernement est ouvert à la négociation. Dans ce cas, pourquoi bloquer le pays? Eh bien parce que, là aussi, dans le discours, il y a un peu de stratégie. Dans cette interview, Édouard Philippe a multiplié le champ lexical, c'est-à-dire le vocabulaire du dialogue et de l'ouverture. Évidemment. Parce que le gouvernement a tout intérêt à apparaître comme celui qui est ouvert à la discussion, ce qui permet de rejeter la faute de la grève sur les syndicats et donc de tenter de mettre l'opinion publique de son côté. Mais regardez ce qu'on voit quand on dresse un peu l'oreille. Notre objectif, c'est de faire en sorte que, en supprimant les régimes spéciaux et en faisant en sorte que tout le monde travaille un peu plus, encore une fois, un peu plus et progressivement, nous dégagions les moyens de financer des retraites justes et équitables pour tout le monde, progressivement et sans brutalité. On va travailler un peu plus longtemps sur l'idée que nous allons faire une réforme qui permettra la création d'un système universel et donc la disparition des régimes spéciaux. Je suis très ferme. Alors là, ce que vous venez d'entendre, ça porte un nom en négociation. On appelle ça une ligne rouge. Une ligne rouge, c'est assez simple. Ce sont, dans une négociation, tous les éléments qui ne sont pas négociables. Ce sont tous les points de rupture. En l'occurrence, Édouard Philippe prévient, il ne cédera en aucun cas sur deux points, la fin des régimes spéciaux et l'allongement de la durée de cotisation. Ce qui revient à dire aux syndicats, tout est négociable, sauf précisément ce sur quoi vous voudriez négocier. Et en théorie de la négociation, quand deux interlocuteurs butent sur leur ligne rouge, il n'y a pas le choix. Il faut se résoudre à déclencher le plan B, avoir recours au plan B. Et dans une négociation sociale, le plan B, c'est l'épreuve de force. Conclusion. Sur la réforme, moi je ne dis rien. C'est de la politique. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, de la soutenir ou de ne pas la soutenir. En revanche, quand Édouard Philippe nous présente sa réforme avec des termes creux et informes qui lui permettent de mettre de son côté, de créer l'illusion de l'évidence et du bon sens, ce n'est plus de la politique, c'est de la rhétorique. Quand il fait mine d'être ouvert au dialogue, alors qu'il pose en préalable des lignes rouges qu'il sait inacceptables pour les syndicats, ça n'est plus de la politique, c'est de la rhétorique. Une rhétorique efficace sans doute, mais qui, selon moi, porte atteinte à la clarté du débat démocratique. Merci Clément. bien, rebonjour, chers collègues. Depuis septembre, avec mes collègues de la France Insoumise, nous avons tout fait pour vous faire réaliser l'ampleur des erreurs et des fautes que vous commettez dans ce projet de loi de finances. Nous avons argumenté, amendé, proposé et bataillé autant que nous pouvions. Mais il n'y a rien à faire, vous persistez, vous signez, et je crains évidemment que vous ne le votiez. Vous signez pour faciliter la vie aux plus aisés en supprimant, par exemple, la taxe d'habitation pour les 20% les plus riches, faisant perdre du même coup 8 milliards d'euros par an à la collectivité. Vous signez pour pourrir la vie des plus démunis, en réformant par exemple les APL, de façon à faire perdre 1,2 milliard d'euros aux foyers qui en bénéficiaient jusque-là. Et je ne parle pas, j'en ai parlé tout à l'heure, de la question de l'allocation chômage, dont je peux dire que tout à l'heure, à ces collègues qui expliquaient que vous aviez fait en sorte qu'il y ait 500 000 chômeurs en moins, je peux vous annoncer qu'avec la réforme que vous avez adoptée, il y aura plusieurs centaines de milliers de chômeurs inscrits en moins au mois d'avril, mais qui ne signifieront pas qu'ils ne sont plus chômeurs, ils auront juste été supprimés par les manipulations que vous faites. Vous signez pour désarmer encore un peu plus l'État et nos services publics, pourtant déjà en souffrance, en supprimant par exemple des postes dans les ministères aussi importants que celui de la solidarité de la santé ou celui de la transition écologique. Si vous persistez malgré toutes nos alertes, parfois même contre le bon sens le plus élémentaire, c'est parce que ce budget n'est pas une erreur ou un malentendu. Ce budget, c'est un choix conscient. C'est votre projet, plus de privilèges pour les plus riches, plus de galères pour les plus pauvres. Mais voilà, à force de ronger l'État, vous êtes tombé sur un os. Vous êtes allé beaucoup trop loin et la France craque. Elle n'en peut plus de votre casse de l'État et de la solidarité nationale. Elle n'en peut plus de la précarité généralisée. Elle n'en peut plus de compter ses centimes dès le début du mois, pendant que vous offrez des milliards à ceux qui en possèdent déjà trop. Elle n'en peut plus de vous voir faire secrétaire d'État un homme capable de mettre à pied une salariée pour une erreur de caisse de 80 centimes. Messieurs et mesdames les ministres, est-ce que vous savez le mal que vous faites? Est-ce que vous savez qu'à l'hôpital pédiatrique Robert Debré, où j'étais il y a deux jours, par exemple, comme dans toute l'Île-de-France, on manque tellement de lits que certains enfants sont obligés d'être transférés dans d'autres régions pour faire de la place, jusqu'à Reims, jusqu'à Rouen, que des familles sont coupées subitement de leurs enfants malades parce qu'il n'y a plus aucun lit dans toute la région pour les accueillir? Bien sûr que vous le savez, le chiffre a explosé. Rien qu'à Robert Debré, au lieu des 3 transferts effectués au total l'année dernière, on en compte déjà plus de 20 depuis octobre. Vous le savez très bien, et vous en êtes responsable. Mais vous laissez aux soignants la tâche ingrate d'annoncer aux familles que leur enfant va être transféré à des dizaines, voire des centaines de kilomètres. Ces soignants derrière qui vous restez planqués alors qu'ils travaillent 13 heures par jour, en flux tendu, avec à peine 10 minutes pour le temps de manger. Vous le savez qu'ils n'y arrivent plus, puisque 800 chefs de service viennent de signer une pétition annonçant leur démission si vous ne changez pas la politique. Vous le savez, mais vous vous taisez, car chez vous, le silence n'est pas un oubli. Chez vous, le silence est un mépris. Et il y en a encore des milliers d'autres. Des exemples comme celui-ci, des milliers de drames que vous laissez grouiller dans les couloirs de nos hôpitaux, de nos écoles, de nos gares, de nos casernes. Cela fait trop longtemps que nos services publics ne tiennent plus que sur la pure dévotion de leurs agents, à laquelle vous répondez toujours par plus de dédain, moins de moyens. Mais ils vont continuer à se battre contre vos décisions ineptes et pour leur métier. Comme ces syndicalistes que j'ai rencontrés il y a 10 jours, dans un atelier de la SNCF, après une assemblée générale, l'un d'eux, Mathieu, je le cite, « Nous sommes fiers d'être cheminots. Nous sommes fiers de ce que nous donnons à la nation. Nous sommes fiers de notre histoire. Nous sommes fiers de notre lutte sociale. Nous sommes fiers de notre rôle lors de la libération. Si les grévistes de ce pays m'entendent, je leur rends hommage. Je leur dis merci, merci pour tout. Quant à vous, chers collègues, je vous appelle à prendre la gravité de la situation dans laquelle est plongé notre pays. Je vous appelle à refuser de voter cette loi de finances moribonde et à réclamer avec moi un grand plan d'urgence de sauvetage de l'État. Je vous enjoins à être à la hauteur de cette urgence et du mouvement social en cours. Merci. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être rendu disponible pour cette conférence de presse dont l'objet, et nous en sommes heureux, est la présentation de ce contre-projet des retraites de la France insoumise, contre-projet auquel beaucoup ont contribué et doivent en être remerciés. Je pense bien sûr aux parlementaires du groupe La France insoumise, aux différents collaborateurs qui ont travaillé, notamment les collaborateurs du groupe, à certains des experts qui se sont mobilisés à nos côtés pour pouvoir y travailler dans le détail. Je pense par exemple au collectif Nos Retraites, qui fait un formidable travail sur le décryptage notamment de la réforme souhaitée par Emmanuel Macron. Je pense également au think tank L'Intérêt Général, qui a produit une bonne note de cadrage. Voilà, autant de personnes qui ont contribué à la présentation de ce travail qui est aujourd'hui disponible et que vous pouvez consulter dans le détail. Évidemment, nous présentons ce contre-projet dans un contexte tout à fait particulier et j'en profite pour redire, pour commencer, que dans la temporalité qui est la nôtre aujourd'hui, l'objectif d'abord et avant tout, c'est d'obtenir ce qui doit être obtenu, à savoir le retrait de la réforme par point de nos retraites souhaitée par ce gouvernement. Et la présentation de ce matin, je l'espère, y contribuera dans un moment qui est un moment de mouvement social inédit, d'une ampleur considérable, qui, à mesure que les semaines passent, obtient l'assentiment et le soutien de plus en plus de Français, pour une raison que l'on comprend, c'est que quand on s'y penche plus en détail, eh bien on comprend à quelle sauce on va être mangé, et donc on voit bien qu'il n'est pas possible d'imposer ce système au modèle social français. Pour que l'on passe de bonnes fêtes, Emmanuel Macron ferait bien de reconnaître sa défaite. Non, il n'y a pas la place dans le modèle social français pour imposer ce système par points, dont on voit bien quels sont les objectifs. Le premier but donc de la présentation d'un contre-projet était de faire la démonstration depuis le début qu'il n'y a pas de fatalité et surtout qu'il y a une alternative aux propositions qui sont celles du pouvoir. La grève en France est beaucoup critiquée et de notre point de vue, si l'on passait autant de temps à constater les effets néfastes qu'aura la réforme par points sur la vie des gens, que l'on passe de temps à constater que la grève a des conséquences au quotidien, eh bien la réforme par points serait déjà à la poubelle. Et nous voulons rappeler ce matin que la grève dans notre pays a aussi un sens. C'est un mode disponible du rapport de force. Et les Français se souviennent que s'ils disposent notamment de congés payés, c'est parce que la grève les a obtenus et qu'il a fallu, comme certains le disent, que le pays soit paralysé pour obtenir ces avancées sociales dont les Français ont toutes les raisons d'être fier aujourd'hui. Par conséquent, il ne faut pas succomber à l'ambiance de division entre les Français, de division tentée par le gouvernement entre les grévistes et les non-grévistes. Et nous disons que grévistes comme non-grévistes ont un intérêt commun et que le gouvernement remballe cette réforme des retraites par points qui ne va faire quasiment que des perdants. Les gagnants, s'il y en avait, ne seraient que temporaires et anecdotiques. J'y reviens dans un instant. Pour l'essentiel, tout le monde sera perdant. La retraite par points, c'est, s'il fallait la résumer à grands mots, travailler plus pour gagner moins. C'est une retraite tombola où on connaît le prix du ticket d'achat pour participer et on n'est pas capable de savoir si on aura le lot et même de savoir lequel il sera. C'est au gouvernement qu'il appartient désormais de pouvoir lancer la trêve à l'approche des fêtes. C'est au gouvernement qu'il appartient de retirer son projet aussi pour permettre que les Français passent des fêtes sans être inquiets de savoir quel va être leur sort à la retraite et quel sera le sort de leurs enfants ensuite. Évidemment, cette mobilisation connaît aussi différents épisodes, et non des moindres, puisque cette semaine, avec le départ du gouvernement de M. Delevoye, c'est incontestablement l'un des piliers de cette réforme par points qui vient de céder. Et nous souhaitons qu'en sortant, M. Delevoye n'oublie pas d'emporter avec lui et son rapport et sa réforme, puisqu'il avait certes procédé à un certain nombre d'oublis dans sa déclaration d'intérêt, et notamment l'un qui nous paraît extrêmement important, c'est son lien avec le monde des assurances. Jean-Paul Delevoye a oublié de déclarer son lien avec le monde des assurances, mais le monde de l'assurance et des banques, lui, n'oublie pas depuis des semaines de déclarer son lien, sa flamme et son enthousiasme à l'idée que cette réforme des retraites par points s'applique, puisqu'effectivement, même s'il y a maintien d'un système par répartition, le gouvernement le rend tellement indigent en fait un espèce de filet de sécurité tellement misérable qu'il va y avoir une capacité pour les assureurs et les banques à venir récupérer finalement ce magot qui est dans les mains de la sécurité sociale et donc des travailleurs pour qu'on vienne compléter sa retraite, puisqu'évidemment, si on ne veut pas travailler toujours plus longtemps comme le propose le gouvernement, eh bien on pourra être amené, pour pouvoir ne pas le faire, à compléter sa retraite avec les systèmes par capitalisation. Ce matin, nous avons appris la nomination au gouvernement du successeur de Jean-Paul Delevoye en la personne du député du Nord, M. Laurent Pietraszewski. Cette nomination, pour nous, est un aveu. C'est que l'universalité, dans la bouche du gouvernement, le fait qu'il y aurait une règle commune qui s'appliquerait à tous, n'est bien évidemment qu'un alibi. C'est le verre d'eau pour faire passer la pilule du système par points. Parce que je voudrais rappeler que M. Pietraszewski était le rapporteur de la loi travail dès que le gouvernement est arrivé au pouvoir. La loi travail, c'est précisément la loi qui a fait le plus de régimes spéciaux dans ce pays, puisqu'elle s'est évertuée à casser une règle commune, le code du travail, pour que désormais il n'y ait plus une règle commune qui s'applique à tous, mais autant de régimes spéciaux qu'il y a en quelque sorte d'entreprises, et que tout se négocie entreprise par entreprise. C'est donc ce gouvernement qui est en quelque sorte faiseur de régimes spéciaux, et d'ailleurs nous vous le disons tout net, la réforme par points, l'usine à gaz dont elle procède du point de vue des générations, va aboutir à ce résultat qu'il y aura autant de régimes spéciaux qu'il y aura de générations. C'est donc très loin de l'universalité qui nous est annoncée, qui n'est effectivement qu'un alibi. Et d'ailleurs, le fait que tout le monde parte d'une même ligne de départ avec un système à points ne corrige rien des inégalités persistantes. Entre un cadre et un ouvrier, 6 années d'écart d'espérance de vie. Entre les 5% les plus pauvres et les 5% les plus riches dans ce pays, 13 années d'écart d'espérance de vie. Il faut d'abord, dans un premier temps, revenir rapidement sur les principaux arguments servis par le gouvernement qui procède d'une grande propagande dans la période. Mais nous disons tout net que ce n'est pas parce qu'on répète en boucle et qu'on assène des éléments de langage qui voudraient que la réforme par points soit plus juste et plus simple, vous avez compris, plus juste et plus simple, plus juste et plus simple, que dans les faits, elle le devient. Non, ce n'est ni plus juste, ni plus simple. Pas plus d'ailleurs que cela ne respecte le programme d'Emmanuel Macron. Je dois le dire parce que quand il n'y a plus d'arguments, l'argument ultime, c'est de dire « mais c'était dans le programme d'Emmanuel Macron ». Alors nous, on a regardé, on a ressorti le programme d'Emmanuel Macron, et on vous invite à le faire aussi, et à vous reporter à la page numéro 13 du programme du candidat Emmanuel Macron. Il écrivait, noir sur blanc, bleu sur blanc, je crois, « nous ne toucherons ni au niveau des pensions, ni à l'âge de départ ». C'est un double mensonge. C'est un double mensonge parce que le système par points procède précisément aux deux. Comparativement au système actuel, à âge comparable, il baisse le niveau des pensions par le système de décote qui vous pousse à travailler plus longtemps et qui dissout concrètement la notion d'âge légal de départ, puisque oui, vous aurez toujours le droit de partir à 62 ans, grand bien vous en fasse, mais avec une retraite de misère et avec une décote qui va s'appliquer tout au long de votre retraite et non pas seulement jusqu'à l'atteinte de l'âge d'équilibre, comme a pu le dire sur France Inter la porte-parole du gouvernement la semaine dernière. Donc effectivement, l'alternative que propose le gouvernement avec sa réforme par points, c'est soit vous avez une retraite pourrie, soit vous travaillez toujours plus longtemps. Et j'insiste bien sur le toujours plus longtemps, parce qu'Édouard Philippe a eu raison de préciser qu'il va falloir, avec cette réforme, travailler progressivement toujours plus longtemps, puisque l'âge pivot, c'est la définition même d'un pivot, va se décaler génération après génération pour amener les Français finalement à travailler bien au-delà de l'espérance de vie en bonne santé. Le gouvernement nous dit que sa logique, c'est l'égalité. En réalité, sa logique est une logique austéritaire, comptable. Son but, c'est de faire du niveau de dépenses actuelles la part des richesses consacrées aux retraites actuellement, 14% du PIB, un plafond. Ça a été déclaré à de multiples reprises. Et faire de cette règle d'or un objectif comptable fait que la variable d'ajustement pour l'atteindre, c'est la vie des gens, en quelque sorte. Emmanuel Macron poursuit donc cet objectif austéritaire et fait de la variable d'ajustement pour l'atteindre la vie des gens par l'âge auquel ils pourront partir à la retraite sans avoir à subir une décote. Régulièrement, le gouvernement nous dit qu'il n'y aura que des gagnants avec sa réforme. Non, nous soutenons qu'il n'y aura que des perdants, que s'il y avait des gagnants, ils seraient, je l'ai dit, anecdotiques et temporaires. Il n'y aura que des perdants d'abord pour une raison, c'est que si on considère maintenant l'ensemble de votre carrière pour calculer vos droits à la retraite, tout le monde comprend compte tenu ce que sont les carrières et le travail précaire, que nécessairement, c'est moins favorable que de tenir compte des 6 derniers mois lorsqu'il s'agit des fonctionnaires ou des 25 meilleures années, c'était même 10 avant, s'agissant du privé. Et bien évidemment, l'ajustement se fera par le niveau des pensions, plus exactement par l'âge d'équilibre, je l'ai dit, qui va se décaler. Le gouvernement nous dit régulièrement aussi que nous aurions un problème de financement des retraites. Alors d'abord, on regarde d'assez près. Le Conseil d'orientation des retraites nous explique que d'ici à 2025, il faudrait 8 à 17 milliards pour pouvoir financer le système de retraite. Ça tombe bien, il y en a déjà 127 milliards dans les caisses des fonds de réserve des retraites qui normalement servent justement à pouvoir corriger les déséquilibres démographiques et les déficits. Mais qui plus est, la caisse d'amortissement de la dette sociale va dégager 24 milliards d'euros à partir de 2024 chaque année. Donc il n'y a pas de problème immédiat de financement. Mais qui plus est, l'intérêt pour nous de présenter un contre-projet, ça n'est pas de dire que nous défendons le statu quo. Non, nous avons un contre-projet et nous voulons améliorer le système parce que les gens partent trop tard de notre point de vue et surtout trop pauvres. Et donc, nous avons dans l'idée que le débat se situe notamment autour de la question de l'espérance de vie. Le gouvernement nous dit, puisque l'on vit plus longtemps, il va falloir travailler toujours plus longtemps. Et quelque part, dit comme cela, ça paraît évident. Eh bien, nous voulons y opposer une autre évidence. C'est que c'est notamment à mesure que le temps de travail dans la vie, dans la semaine, dans l'année, a reculé, que l'espérance de vie a augmenté. Et puis surtout, l'espérance de vie en bonne santé est de 63 ans dans notre pays. Ça veut dire que la réforme Macron a pour conséquence, dès le départ, de faire en sorte que l'âge d'équilibre soit au-delà de l'espérance de vie en bonne santé et se décalera toujours plus ensuite. Donc la perspective offerte par la réforme de M. Macron, c'est de travailler au-delà de l'âge auquel, statistiquement, on peut prétendre à être en bonne santé. On nous parle aussi du ratio entre les actifs et les retraités, sans tenir aucun compte du bond considérable de la productivité en France depuis ces dernières années. Un actif français aujourd'hui produit à lui seul ce que produisaient en moyenne trois actifs en 1970. La question qui est posée est donc celle de la répartition des richesses à travers la question des retraites. Et du fait qu'un salarié français travaille aujourd'hui en moyenne 45 jours par an pour rémunérer ses actionnaires, alors que c'était 9 jours par an dans les années 80. Et oui, à travers la question des retraites, il y a évidemment cette question centrale de la répartition des richesses. Le gouvernement nous dit « nous maintenons le système par répartition ». Je viens de vous démontrer en quoi il le rend indigent, mais surtout il procède d'un encouragement à la capitalisation. Et c'est en cela que le lien de M. Delevoye avec le monde de l'assurance posait problème. Parce que effectivement, c'est bien un encouragement à la capitalisation qui est procédé, à la fois par l'instauration d'un âge d'équilibre qui fait que vous aurez intérêt à compléter vos retraites chez les banquiers et les assureurs, qui d'ailleurs, à notre avis, ne rendent pas beaucoup service au gouvernement dans la période en déclarant avec autant de décibels leur flamme à cette réforme. Puisque quand les uns les autres nous passons en ce moment dans des matinales radio pour parler de la réforme des retraites, il y a en général, avant notre interview, plusieurs pages de publicité. Et dernièrement, par exemple, avant une interview qui était la mienne il y a quelques jours, quatre publicités avant de commencer l'interview. Sur les quatre publicités, trois pour les assureurs et les banques qui vous proposent des systèmes par capitalisation. Oui, par exemple, l'abaissement du seuil pour les hauts revenus à partir duquel votre salaire ne vous accorde pas de droits supplémentaires à la retraite et donc votre cotisation est une cotisation dite de solidarité, est en quelque sorte un message très clair qu'il aurait adressé de la part du gouvernement et qui consiste à dire « Mesdames, messieurs qui avaient les moyens, désertez le système par répartition et allez à la capitalisation ». Et d'ailleurs, ils ont tout préparé pour ça. Souvenez-vous de la loi Pacte où on a encouragé dans des proportions absolument considérables par incitation fiscale la retraite par capitalisation. Bref, nous voyons bien quel est l'objectif réel de ce gouvernement. On a aussi la question des régimes spéciaux. On a entendu 42 dans la bouche du gouvernement. 42, en réalité, ça ne correspond absolument à rien, puisque les chiffres du ministère de la Santé montrent qu'il y aurait en réalité 23 régimes différents. Selon le Conseil d'orientation des retraites, c'est 18. Mais M. Delevoye, qui a soustrait à sa déclaration d'intérêt un certain nombre de postes qui étaient notamment rémunérés dans sa déclaration, par contre a multiplié les régimes dans les annonces pour faire un effet de submersion du nombre de régimes spéciaux, en par exemple considérant les filiales et sous-filiales des régimes, en considérant que Agir Carco, qui est un régime fusionné, ben finalement ça en serait deux, tout ça pour avoir un effet d'affichage, qui est de dire finalement s'il y en a 42, c'est insupportable, on n'y comprend plus rien, ce qui évidemment n'est pas le sujet. Et puis bien sûr, et Clémentine Autain y reviendra dans un instant, la question des droits tout au long de la vie et des carrières précaires qui n'est absolument pas solutionnée et qui va être aggravée même par l'émergence du système à points. Bref, voilà autant de raisons qui nous poussent ce matin encore à réclamer le retrait de cette réforme par points. À cette logique comptable d'Emmanuel Macron, austéritaire, qui vise à ne pas consacrer une part supérieure des richesses aux retraites, contrairement à tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Car nous voulons redire aussi que si nous ne défendons pas le statu quo et si nous voulons réformer, parce que nous considérons que les dernières réformes libérales ont mis autant de coups de canif dans le système de retraite français par répartition, ce qui a fonctionné jusqu'à présent, et ce qui fait d'ailleurs que même s'il reste beaucoup à faire sur la précarité des seniors, le taux de pauvreté des seniors en France a été plutôt contenu comparativement à nos voisins européens, c'est notamment parce qu'à mesure que la part des seniors dans la population française augmentait, on a à peu près augmenté proportionnellement la part des richesses consacrées aux retraites. Par conséquent, c'est Emmanuel Macron qui procède à une rupture historique en voulant faire, comme l'a dit M. Delevoye, un plafond, une espèce de règle d'or absurde de cette part des richesses consacrées aux retraites qui va en quelque sorte programmer la baisse des pensions des futurs retraités. Et cet objectif comptable, je le disais, va faire en sorte que ce soit toujours la vie des gens la variable d'ajustement. Eh bien, à cette logique, nous opposons le strict inverse. Se doter d'un objectif politique qui consiste à répondre à la question « Quelle idée se fait un grand pays comme la France de ce que doit être le temps de travail dans la vie et surtout le niveau de vie de ses seniors et à quoi doit ressembler la vie libérée du travail après le départ à la retraite ?» Et nous fixons donc quelques objectifs qui se résument en peu de mots. D'abord, que l'on puisse partir à la retraite à un âge décent, c'est-à-dire un âge où on peut ne pas être cassé par le travail, statistiquement un âge où l'on n'est pas malade. Or, statistiquement, aujourd'hui, l'âge moyen auquel les premiers pépins de santé arrivent, l'espérance de vie en bonne santé, c'est 63 ans. Par conséquent, la retraite à 60 ans n'est pas un formidable bond en arrière, comme le disent certains pour nous folkloriser, c'est un progrès magnifique si on veut bien considérer la hausse de la productivité. À quoi bon travailler plus longtemps que le temps nécessaire à la production de ce dont nous avons besoin? Voilà la question que nous posons. Et oui, partir à 60 ans nous semble être un horizon souhaitable, donc nous fixons dans notre contre-projet nos estimations autour de cet âge de départ souhaité de 60 ans. Avec 40 annuités pour une pension à taux plein et l'intégration dans ce calcul des annuités des trimestres passés au RSA, justement pour prendre en considération l'aspect absolument précaire de plus en plus de carrières. Nous souhaitons que pour une carrière complète, aucune retraite ne soit inférieure au SMIC. Et nous profitons de l'occasion pour dénoncer la logique du gouvernement et cet effet d'affichage sur la retraite minimale à 1 000 euros, qui est 1 000 euros pour une carrière complète, sans que jamais le gouvernement ne définisse clairement ce qu'est une carrière complète dans un système à points où il n'y a plus de trimestres et d'annuités, mais justement un stock de points qui est ensuite converti. 1 000 euros pour une carrière complète, c'est quasiment inatteignable pour beaucoup de gens, parce que la carrière complète, dans un contexte où l'emploi est très précaire, où 87% des embauches se font en contrat court, est un horizon difficilement atteignable. Raison pour laquelle, à notre volonté qu'il n'y ait pas une retraite inférieure au SMIC pour une carrière complète, nous intégrons l'idée que personne ne doit vivre sous le seuil de pauvreté et que les trimestres passés au RSA doivent être pris en compte dans le calcul de l'âge de départ à la retraite. Et bien évidemment, nous souhaitons étendre la reconnaissance de la pénibilité à d'autres métiers. Beaucoup de métiers sont pénibles, ont des tâches pénibles qui ne sont pas reconnues et nous souhaitons procéder à une harmonisation par le haut. Une fois que j'ai dit tout ça, je vais vers ma conclusion en répondant à une question que déjà vous vous posez. Tout ça est très intéressant, mais où trouvez-vous l'argent? Est-ce que vous êtes en train de raser gratis et de ne pas proposer finalement de source de financement à votre contre-projet? Eh bien précisément non, nous avons fait l'inverse. C'est aussi le gage de crédibilité qui est le nôtre, qui est de dire que dans cette affaire, il y a un débat de société. Personne n'a raison, personne n'a tort, quoique nous ayons quelques arguments. Mais en quelque sorte, nous pouvons faire la démonstration que ces quelques principes que je viens de détailler sont tout à fait finançables, sans d'ailleurs que ce soit absolument révolutionnaire, si vous voulez bien regarder les propositions. Aujourd'hui, la part des richesses consacrées aux retraites dans notre pays est de 14% du PIB. Nous estimons que pour financer les mesures que je viens de présenter succinctement, il y aurait besoin, d'ici à 2040, d'y consacrer 16% du PIB. Pour cela, nous disposons de plusieurs atouts. Le premier, c'est la mobilisation des réserves immédiates dont j'ai parlé, les 127 milliards de des fonds de réserve et également les 24 milliards de la caisse d'amortissement. Mais à la rigueur, mettons même ça de côté puisque on pourrait nous le contester immédiatement. Donc, comment on finance ? Eh bien, d'abord en mettant fin aux différentes exonérations fiscales et aux niches fiscales sur les retraites par capitalisation, c'est-à-dire en abrogeant les dispositifs de la loi Pacte qui encouragent fiscalement à la capitalisation. Ensuite, oui, nous assumons de dire que cet objectif qui est un réel progrès et qui pose la question du temps de travail dans la vie, partir à 60 ans avec un bon niveau de pension, eh bien, nécessite que l'on mobilise plus d'argent. Oui, c'est plus coûteux que le système actuel. C'est plus coûteux, mais on peut le faire par la hausse des salaires et des cotisations. Et toutes les projections économiques nous montrent qu'il n'y a pas de contradiction entre la hausse du salaire net et la hausse des cotisations dans des proportions qui permettraient de financer nos mesures. Entre les débuts de la sécurité sociale et du système de retraite tel que nous le connaissons et aujourd'hui, les cotisations allouées à la vieillesse sont passées de 8,5 à 17,75 aujourd'hui. Pour financer nos mesures, nous aurions besoin d'imaginer que les cotisations aillent à 19%, passer de 17,75 à 19%. Et cette proportion, effectivement, est indolore du point de vue de l'augmentation des salaires nets. Les salaires nets peuvent donc continuer à augmenter, alors que le taux de cotisation, lui, pourrait augmenter également. C'est ce qui a toujours été fait avant les réformes libérales qui sont chargées de détricoter le système de retraite. J'attire enfin votre attention sur le fait qu'augmenter les salaires, c'est augmenter les cotisations. Et que si, par exemple, on mettait fin à l'inégalité persistante de salaire entre les femmes et les hommes, eh bien, il y a immédiatement dans les caisses des cotisations pour régler le problème à court terme de financement des retraites. Notez que, par exemple, 1% d'augmentation des salaires, c'est 2,5 milliards de cotisations en plus dans les caisses. Que 100 000 emplois créés, c'est 1,3 milliard de cotisations en plus. Et que le déficit dont nous parle le gouvernement est un déficit qui a été construit par l'austérité budgétaire, notamment s'agissant des fonctionnaires. Et c'est une politique des caisses vides que l'on connaît bien. On creuse un trou dans la caisse, notamment par les exonérations qui n'ont pas été compensées par M. Macron. Puis on vient après devant vous pour dire « il y a un trou dans la caisse » et donc ce sont des mesures austéritaires qui devraient être avalées. Eh bien non, nous avons un objectif qui est de libérer du temps et de faire enfin que arrivent les jours heureux. Et je crois que quand on parle des retraites et ce troisième âge de la vie, c'est sans doute l'essentiel. Je laisse maintenant la parole à Clémentine Autain. Merci, bonjour à toutes et tous. Comme l'a dit Adrien, c'est vrai qu'on est face à un gouvernement qui a pris l'habitude de mentir absolument sur ce sujet. Et quand on regarde les propositions du gouvernement du point de vue des femmes, et y compris la novlangue gouvernementale du point de vue des femmes, on se rend compte que nous sommes au cœur du sujet parce que ce prisme féminin donne à voir toute l'inanité de du choix de société que nous propose à travers le projet des retraites la Macronie. Pourquoi ? Parce que les femmes sont aujourd'hui, vous le savez, les premières victimes du système actuel. Elles le sont parce qu'elles ont les carrières les plus hachées. Elles sont plus précaires, elles ont des temps d'interruption de leur carrière qui sont liés aux enfants, elles ont des salaires qui sont à 24% plus bas que ceux des hommes parce que c'est l'histoire évidemment de la domination masculine, mais c'est aussi le plafond de verre qui s'abat à un moment donné sur leur carrière en raison du poids, des charges domestiques et parentales qui sont encore aujourd'hui en France totalement inégalitaires. Et donc pour toutes ces raisons, quand vous avez une loi qui, au nom d'un principe d'universalité, dont tout le monde aura bien compris que l'universalité en Macronie signifie l'inégalité, la guerre c'est la paix, l'universalité c'est l'inégalité parce que si vous ne comptez plus à partir de 25 années, des meilleures années de votre carrière pour ce qui est du privé et les 6 derniers mois pour ce qui est de la fonction publique, mais que vous prenez l'ensemble de la carrière, celles et ceux qui ont les carrières les plus hachées, comme je le disais, c'est-à-dire interrompues, précaires, liées aussi à des moments de temps partiel souvent contraint, majoritairement contraint, forcément, vous allez avoir une pension au final qui va être une pension plus basse. C'est absolument logique si vous prenez l'ensemble et que vous ne prenez pas les meilleures années. Donc, je ne comprends pas comment le gouvernement peut asséner en permanence que le système par points, 1 égale 1, et le système qui réduit qui allonge la durée de cotisation peut au final donner des pensions pour les femmes qui vont être des pensions meilleures. C'est littéralement faux. Ça n'aura absolument pas cette conséquence, c'est une conséquence inverse. Alors, quand on écoute les arguments, notamment de Marlène Schiappa sur tous les plateaux, elle nous explique que le gain va être sur la pension de reversion et sur la majoration sur les enfants. Alors, sur la pension de reversion, il faut... Je ne suis pas sûre que tout le monde comprenne bien le système, mais aujourd'hui, vous pouvez y toucher dès l'âge de 55 ans. Ce ne sera plus possible dans le projet du gouvernement, avec le projet du gouvernement, puisque demain, il va falloir attendre 62 ans pour pouvoir accéder à cette pension de reversion. Donc, vous perdez 7 ans. Hein. Ce sont, semble-t-il, 84 000 femmes qui vont être exclues à ce moment-là de la pension de reversion qu'elles touchent aujourd'hui. Ensuite, on nous dit qu'il va y avoir une majoration de 5% associée à la mère ou au père. Donc vous imaginez bien que si vous associez à la mère ou au père, vous arrivez au moment de la retraite, vous êtes en couple, comme c'est un pourcentage, celui qui va prendre ce pourcentage va être celui qui a le salaire le plus élevé. Dans la majorité écrasante des cas, ce sont les hommes. Donc ce sont les hommes qui vont prendre cela. Et ensuite, si vous divorcez, comme en plus le gouvernement prévoit qu'en cas de divorce, vous ne touchez plus la pension de réversion, eh bien ce sont les hommes qui vont en réalité bénéficier de cette majoration. Nous, nous proposons une majoration par enfant de 500 euros, donc pas en pourcentage. On n'est pas dans la logique du quotient familial qui, je l'ai fait à la serpe, mais enfin c'est quand même ça, qui fait qu'un enfant de riche coûte plus cher à l'État en solidarité qu'un enfant de pauvre, puisque c'est un pourcentage. Nous pensons qu'il faut une allocation qui est liée à l'enfant. Et donc là, nous proposons 500 euros annuels supplémentaires par enfant, un gain qui doit être le même, donc pour tous les enfants. Et si les deux parents ont pris un congé parental, nous proposons que ces 500 euros soient tout simplement partagés entre les hommes et les femmes, ce qui nous paraît être une logique de justice. Mais le cœur du problème, il faut bien le comprendre, c'est que le cœur du problème pour les femmes, c'est bien l'ensemble du système tel qu'il est pensé, qui fait que les femmes vont travailler au final plus longtemps et qu'elles vont être avec des pensions très incomplètes, très en difficulté pour pouvoir tout simplement vivre dignement, ce à quoi nous répond le gouvernement, mais nous vous inquiétez pas, nous avons les fameux 1 000 euros. Vous avez entendu parler de ça, hein, les 1 000 euros qui vont bénéficier aux femmes, puisque les femmes ont une retraite de 42% plus faible que celle des hommes et qu'elles sont très nombreuses à toucher des infimes retraites. Donc on nous dit, on va garantir demain les 1 000 euros. Mais ces 1 000 euros, c'est, alors là, fait partie des gros mensonges de ce gouvernement. D'abord parce que avec 1 000 euros, je vous signale qu'on est encore en dessous du seuil de pauvreté. Quand on est en termes de progrès, c'est une conception du progrès qui est tout à fait singulière. Que par ailleurs, il y a déjà une loi, vous le savez, qui prévoit ces 1 000 euros, qui devrait d'ailleurs être en application depuis 2008 et qui n'est donc absolument pas appliquée. Donc je ne vois absolument pas quel est le gain de ces 1 000 euros comme étant la mesure majeure qui va sortir les femmes de la pauvreté. C'est pas une mesure qui va permettre de sortir les femmes de la pauvreté. Et comme l'a dit Adrien, nous pensons qu'avec une carrière complète, les 1 000 euros en plus, c'est que pour des carrières complètes, hein. Donc on peut nous expliquer, comme l'a fait Madame Buzyn hier, qu'on va supprimer la décote et qu'en supprimant la décote, ça va être un gain pour les femmes. C'est ça qu'ils nous racontent. Sauf que la suppression de la décote, vous avez compris, qu'elle est évidente avec le système par points, puisque c'est une autre logique. On sort de la logique du système par répartition avec justement des annuités. Donc vous êtes dans autre chose. Donc cet argument de la décote est un peu dément du point de vue de Madame Buzyn de nous expliquer que parce qu'on va enlever cette décote, on va avoir un gain. Non, il n'y aura pas de gain et les 1 000 euros ne répondent à rien. Enfin, vous le savez, les femmes, parce que le gouvernement a décidé de ne pas proposer aux policiers d'être dans ce régime merveilleux, ce qui est assez amusant d'ailleurs, parce que si ce régime est si formidable, je ne comprends pas pourquoi on en exclurait une partie des fonctionnaires que sont les policiers. Mais en revanche, pour les 400 000 aides-soignantes infirmières, pour les 600 000 enseignantes, qui en plus ont vu le gel, vous le savez, des salaires depuis maintenant 9 ans, c'est considérable, si vous ne prenez plus les 6 dernières années, mais que vous prenez l'ensemble de la carrière, je vous assure que les résultats vont être un triste résultat. Et il va s'abattre ce résultat en particulier sur les femmes qui, dans la fonction publique, sont celles qui occupent les salaires, les emplois qui ont les salaires, qui sont les salaires les plus bas. Donc, on est, je crois aussi, du point de vue des femmes, face à un choix de société. Adrien l'a dit et j'y insiste, c'est choix contre choix. Ils font le choix Ils font le choix de l'austérité parce qu'ils partent d'une logique comptable. Cette logique comptable, elle est qu'on est dans un cadre et qu'on ne sort pas du cadre avec la réduction de la dépense publique en permanence. Ils sont dans le cadre qui est le cadre du néolibéralisme où il faut aller toujours plus loin vers l'individualisation et des parts qui peuvent être données au privé. Ça, c'est vraiment cette idée que l'assurance privée va pouvoir progressivement grignoter, ça a été dit. Mais la troisième logique dans laquelle ils sont et dont ils ne sortent pas, c'est l'idée qu'on ne peut pas partager les temps de la vie et qu'il faut en permanence être dans une logique productiviste et consumériste qui laisse d'ailleurs plein de gens sur le bas-côté, parce qu'avec un chômage de masse, aujourd'hui, on ne comprend pas très bien. Un chômage de masse d'un côté et de l'autre côté, des personnes qui, à 60 ans, sur le marché du travail, sont soit majoritairement au chômage, soit en arrêt maladie. Je ne vois pas pourquoi la question de la répartition différente des temps de la vie ne se pose pas. Et elle devrait se poser quand on le regarde du point de vue des femmes, parce que les femmes sont rentrées sur le marché du travail dans les années 60 à taux plein. Avant, elles faisaient les tâches domestiques et parentales gratuitement. Et que toutes ces tâches domestiques et parentales, personne ne semble se demander qui va les prendre en charge dès lors que les femmes entrent sur le marché du travail à temps plein. Et comme on ne s'est pas posé cette question et qu'on n'y a pas répondu en réduisant le temps de travail, eh bien vous avez une sorte de retour en arrière avec le développement du travail à temps partiel parce que c'est intenable. Et que la réalité, c'est qu'il faut partager le temps de travail pour répondre à ces questions de tâches domestiques et parentales, et donc qui permettrait une meilleure égalité aussi sur le terrain de l'emploi, parce qu'on sait très bien que c'est un des leviers considérables, que si les femmes sont bloquées dans leur carrière, c'est parce qu'elles, aujourd'hui, assument l'essentiel des tâches domestiques et parentales. Et deuxièmement, parce que la productivité fait qu'on a la possibilité de dégager davantage de temps. Encore faut-il qu'on réponde, et je passerai de ce point de vue la parole à Mathilde Panot, encore faut-il qu'on sorte là aussi du cadre, qui est du cadre de la recherche d'une croissance infinie, du consumérisme et du productivisme comme étant la clé de la compétitivité. Si on sort de ce cadre-là, alors on dégage des moyens pour partager les richesses et pour partager les temps de la vie. C'est le choix de société que nous décidons de faire. Et je pense que quand on regarde cette contre-réforme du point de vue des femmes, on trouve la clé absolument pour arriver vers cet autre chemin que nous proposons qui permet justement de garantir un progrès social. Là où aujourd'hui, vous le savez, la majorité de nos concitoyens pensent que leurs enfants vont vivre moins bien qu'eux-mêmes. Ce qui est totalement dépressif comme climat et ce qui est surtout absolument dangereux pour la société à construire. Et donc, il n'y a rien d'inéluctable. C'est faux de dire que parce que l'on vit plus longtemps, on doit travailler plus longtemps. Ça fait partie des choses qui sont assénées par la novlangue et qui sont des contre-vérités. C'est totalement absurde. C'est un choix de société. Et nous faisons le choix du partage des richesses et du partage des temps de la vie. Thank you. à toutes et à tous. Alors, moi, je voulais vous montrer aussi avec ce contre-projet à quel point la bataille pour les retraites était une lutte écologiste. À l'heure où on est dans une urgence absolue avec un effondrement des écosystèmes qui ne permettrait plus la vie des espèces vivantes sur Terre si on continue comme avant, et de l'espèce humaine qui est rapportée à son statut d'espèce, parce que se projeter dans les retraites, c'est se projeter dans un temps long. Et on voit bien aujourd'hui qu'on est dans une situation dont il va falloir absolument sortir, et c'est heureux de devoir sortir de cette situation, parce que ça a déjà été dit, mais je veux insister dessus, on est dans une situation aujourd'hui où ceux qui sont en âge d'emploi, un actif sur deux qui a plus de 60 ans, plus d'un actif sur deux est au chômage et donc n'est pas en emploi aujourd'hui. Et on a une augmentation en 10 ans de plus 157% des personnes qui a plus de 60 ans reçoivent le RSA. Et c'est heureux aussi parce que lorsque vous voyez les résultats absolument catastrophiques de la COP25, nous avons un gouvernement qui veut continuer comme avant, alors qu'il ne respecte déjà pas les propres accords de Paris, qui sont déjà insuffisants. Donc il va falloir opérer une bifurcation de notre économie, une bifurcation écologique et sociale qui ouvre d'autres horizons. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un système qui continue avec une idée de croissance infinie dans un monde pourtant aux ressources finies, où nous produisons tout et n'importe quoi d'un côté et de l'autre de la planète, avec des emplois qui sont de plus en plus précaires et surtout qui perdent du sens. Il y a une perte de sens générale dans notre société. Or, si nous voulons être à la hauteur de l'urgence écologique, il faut faire cette bifurcation sur l'économie et surtout avoir un modèle économique qui est intensif en main-d'œuvre. Intensif en main-d'œuvre, ça veut dire quoi ? Là, concrètement, on vous disait qu'il y a d'autres solutions et que nous devons faire autrement que ce que fait aujourd'hui le gouvernement. Si nous créons 100 000 emplois, c'est 1,3 milliard d'euros de cotisations. Or, si par exemple, on veut faire la transition agricole pour aller vers une agriculture paysanne et écologique, c'est 300 000 nouveaux emplois paysans qu'il faut. Si nous voulons faire la transition énergétique pour aller vers le 100% énergie renouvelable, qui sont les seules énergies qui sont résilientes au changement climatique, alors nous devons créer entre 400 000 et 900 000 emplois. Si nous voulons aller vers l'éco-construction, c'est-à-dire la construction en bois, terre, paille et pierre, qui est quand même le secteur de la construction étant un des plus polluants aujourd'hui, notamment avec le modèle du tout béton, nous devons créer 1 million d'emplois. Donc nous avons devant nous, avec l'urgence écologique, un horizon d'avenir qui s'ouvre aussi avec des emplois qui ont du sens, qui permettent de partager le travail, comme le disait à l'instant Clémentine Autain, et qui, pour le coup, rapportent massivement dans les caisses de retraite et nous permettent de revenir à un partage de travail qui permet la vie douce pour toutes et tous. Et cette urgence écologique, elle nous impose de relocaliser nos activités. Vous avez vu, on a un gouvernement qui continue à tout va, les traités complètement archaïques de libre-échange, qui continue à augmenter les émissions de gaz à effet de serre, et puis surtout, qui continue à détruire de l'emploi dans notre pays, et d'ailleurs dans les pays avec lesquels on fait les traités de libre-échange. Et cette relocalisation, elle nous permet de créer de l'emploi massivement. Et cette création d'emplois, elle sera dans différents secteurs, comme je l'ai montré à l'instant, mais nous avons aussi besoin de créer de l'emploi public. Nous avons besoin d'une puissance publique forte pour pouvoir affronter les puissances de l'argent et être à la hauteur de cette urgence écologique et sociale dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et tout à l'heure, on expliquait que le trou dans les caisses avait été construit notamment par cette baisse d'emploi public. Or, nous sommes à un moment où nous n'avons même plus l'expertise publique nécessaire. Vous avez vu que les agents du ministère de la Transition écologique ont créé un comité de défense du ministère de la Transition écologique et solidaire, tellement nous n'avons plus l'expertise publique pour pouvoir le faire. Or, une société écologique, c'est une société avec des services publics de proximité. C'est une société avec de l'emploi public. Et là aussi, nous devons revenir à la raison pour pouvoir faire face à cette urgence écologique. Et puis, la dernière chose que nous proposons aussi dans ce contre-projet, qui, je crois, est assez original, c'est que pour faire face, pour s'adapter au changement climatique, à l'heure où nous allons avoir, et nous le voyons déjà malheureusement dans notre pays, de plus en plus de catastrophes naturelles, nous allons devoir avoir une mobilisation générale de toute la population. Et lorsqu'il y aura ces catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes, ce ne sont pas seulement les pompiers, l'armée qui devront être mobilisés, mais aussi parfois des corps de métiers entiers qui devront être mobilisés. Il va falloir une mobilisation civile importante sur ces questions pour faire face et à ces effets du réchauffement climatique. Et donc, ce que nous proposons dans ce contre-projet, c'est notamment de réfléchir que lorsqu'il y a une mobilisation, si vous avez une tempête par exemple et que nous avons besoin massivement de couvreurs, de vitriers, lorsqu'il y a une mobilisation civile, nous puissions offrir à ces personnes qui se mobilisent des trimestres supplémentaires pour partir plus tôt en retraite, qui là aussi contribue à la fois à récompenser l'effort qui est fait dans le sens de l'intérêt général et à partager le temps de travail. Donc cette urgence écologique, elle ouvre aussi d'autres horizons de société tout entier, des horizons qui sont, je crois, heureux. Et concrètement, avec cette réforme des retraites, tout à l'heure ça a été dit sur les choix, mais il y a vraiment deux mondes qui sont en train de s'opposer. Il y a le monde du chacun pour soi avec la retraite à points qu'essaye de faire passer Emmanuel Macron et que nous appelons bien évidemment à retirer avec notamment la mobilisation massive d'hier d'1,8 million de personnes dans les rues. Et notre monde que nous avons choisi, qui est le monde de la solidarité, et je le dis, nous ne pourrons pas faire face aux effets du changement climatique, même si nous réussissons à l'atténuer, sans avoir un monde de solidarité, et qui justement permette de faire face avec dignité pour toutes et tous à cette urgence et à ses conséquences qui vont être extrêmement fortes, notamment sur les plus pauvres de notre pays. Oui, tu vois. Bon, eh bien, nous sommes à présent disponibles pour répondre à toutes vos questions. Nous sommes, vous l'aurez compris, pas peu fiers de ce document. Nous espérons qu'il va être utile dans le débat qui nous occupe. Je crois qu'on, si ce n'est pas déjà fait, on a de quoi vous le distribuer. Voilà. On se tient à votre disposition maintenant pour répondre à vos questions. Oui. Vous parlez des moyens de financement, mais en termes de coûts, si par exemple on regarde par rapport aux chiffres dont on parle souvent sur 14% CV, est-ce que vous avez un référentiel sur votre projet ? Tout dépend effectivement de la trajectoire du PIB en tant que tel. L'important, c'est de parler en part des richesses consacrées aux retraites. Et nous estimons, au vu des projections économiques, que pour financer notre réforme, pour financer notre contre-projet, il faudrait effectivement 2 points de PIB en plus à horizon 2040. C'est-à-dire que concrètement, la retraite à 60 ans, à taux plein pour 40 annuités, aucune retraite sous le SMIC pour une carrière complète, aucune personne sous le seuil de pauvreté, l'extension de la reconnaissance de la pénibilité, l'intégration des trimestres RSA, toutes ces mesures, effectivement, coûteraient 2 points de PIB pour pouvoir être financées d'ici à 2040. Et je dois vous dire aussi, et vous inviter à regarder ce qui a été fait par le passé. Franchement, quand on considère la part des richesses qui a été consacrée aux retraites par le passé, c'est pas une augmentation qui est considérable pour autant. Voilà. Vous parlez du sur-retrait du gouvernement. On apprend ce matin dans sa déclaration d'intérêt qu'il aurait gagné 72 000 euros net en 2 mois en 2019, notamment travaillé pour Auchan. Est-ce que vous trouvez que les vérifications étaient encore une fois trop légères cette fois-ci ? Oui, non, c'est un super job d'été. Il faudra qu'il nous donne l'adresse où envoyer les CV. Je pense que des étudiants qui peuvent gagner 2300 euros par jour en job d'été, il y en a beaucoup qui seront candidats. C'est pas une légèreté de vérification. Ce gouvernement nous prend juste pour des imbéciles. Tout le monde est au courant. Pour Delevoye, on a vu que le commissaire du gouvernement, enfin voilà, tout le monde était au courant à Matignon de ses 13 emplois. C'est de notoriété que M. Petrachevski est le lobbyiste en chef de la grande distribution. Et voilà, donc non, on ne peut pas accuser de légèreté. Je veux dire, ça fait trop de choses qui s'accumulent pour prétendre que ces gens sont légers. Non, ils ont un projet. Adrien et mes collègues l'ont bien décrit. C'est un projet libéral. Et donc ils mettent les gens qui sont les plus libéraux pour mener à terme ce projet-là, tout simplement. Juste pour rajouter quelque chose, c'est quand même intéressant pour les gens de savoir qu'effectivement, il a fait ce petit job d'été, comme dit Loïc, à 2300 euros par jour. C'est intéressant pour les gens de savoir que celui qui va s'attaquer à nos retraites, qui va nous faire travailler plus longtemps et avec des pensions qui vont être plus faibles, cet homme qui a été payé 2300 euros par jour, pendant que Auchan est en train demander la fermeture de 21 sites, qui va mettre plus de 700 personnes et donc familles sur le carreau, dans une époque où quand même on a 14 000 personnes qui meurent par an du chômage. Je trouve ça assez indécent. J'ajoute que c'est vrai que les entendre nous expliquer que 1 000 euros n'est-ce pas, de garantie. C'est un progrès extraordinaire quand on regarde le personnel politique et leur rémunération. J'ai l'impression qu'ils sont dans un autre monde, en fait, qui n'est pas le monde de la réalité. Vous savez, souvent, ils nous disent « Ah, mais le réel, nous, on est dans le réel, vous, vous n'êtes pas dans le réel ». Nous, j'ai le sentiment que c'est nous qui sommes dans la réalité avec la volonté de transformer ce réel. Mais eux, ils reproduisent le réel actuel sans avoir conscience de ce que signifie concrètement dans une vie vivre avec 1000 euros par mois. Je pense qu'ils n'en ont aucune espèce de conscience. Et par ailleurs, quand on voit leur pédigré à tous, ceux qui nous donnent des leçons sur les retraites, hein, il va falloir faire des efforts, on voit aussi à quel point ils sont totalement liés à ce monde financier, mais donc à la logique du capital. Et dans la répartition, on ne l'a pas dit, mais il faut quand même aussi le dire, c'est que vous avez une détérioration de la richesse, c'est-à-dire vous avez un transfert aujourd'hui de la richesse qui va de la poche des salariés à celle des actionnaires. C'est-à-dire que le capital est de plus en plus rémunérateur quand les salaires sont de moins en moins rémunérateurs. Or, le gouvernement a décidé d'accompagner cette logique-là. Elle est favorable, au fait, elle ne dérange pas. Je pense que la compétitivité, tout le reste, la peur de la fuite des capitaux et blablabla, fait qu'on ne pourrait pas toucher à cette logique. Or, c'est bien aussi à cette répartition capital-travail qu'il faut s'attaquer si on veut protéger nos vies et permettre du progrès social et du progrès écologiste. D'autres questions, peut-être ? Non, c'est bon. Vous êtes convaincus du bien fondé de ce contre-projet ? C'est parfait. Eh bien, merci à toutes et tous. J'ai vu que Jean-François Cirelli, le patron de BlackRock France, le fonds de pension américain qui gère près de 7000 milliards de dollars de fonds, est dans la promotion pour passer au grade d'officier, je suis tombé de l'armoire. Je me suis dit non, c'est pas possible, en pleine réforme des retraites. Alors que le tapis rouge a été déroulé à l'Elysée pour BlackRock, c'est le canard enchaîné qu'il avait dévoilé il y a quelques temps. Comment peut-on faire une erreur au point de mettre une légion d'honneur au patron de BlackRock si on ne fait pas, si ce n'est pas donner les verges pour se faire fouetter, comme on dit. Et je suis peut-être un peu ringard, je sais. Moi, j'ai une pensée pour mes grands-pères qui étaient dans les tranchées à 18 ans. L'un était grand invalide de guerre, il a quand même eu la médaille militaire. Mon autre grand-père avait un tel placard de médailles de 14-18 et de la résistance. Et il n'a pas eu la légion d'honneur. D'ailleurs, il n'en voulait pas non plus. Il est mort au milieu des années 80. Il disait déjà à l'époque, on la donne à n'importe qui. Alors oui, c'est vrai, la légion d'honneur, c'est joli. Et je me dis que finalement, bah, pour avoir la légion d'honneur, vaut mieux travailler et faire du pognon dans un fonds de pension américain que d'être allé se faire casser la gueule pour la France quand on avait 18 ans. Ouais, voilà. C'est vrai. Non, bah, c'est un beau coup de gueule. C'est peut-être ça, la Légion d'honneur du Nouveau Monde. C'est la Légion d'honneur du Nouveau Monde. Oui, mais moi, je suis un vieux ringard. Oui, mais moi, je suis vraiment de l'ancien monde. Moi, oui. Moi, je suis plus Bleu Horizon que CAC 40. Vous voyez ce que je veux dire? Pas vraiment. Mais bon. Bah, si, je pense à mes grands-pères, l'uniforme mais Bleu Horizon, mais vous voyez. Sûr. peuple français, constitué en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Je vous demande de vous lever, messieurs. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. La loi n'a le droit de défendre que les activités nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi. Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc constituée pour l'avantage de tous. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment. Sur l'air du train danser, voltigeraient les biroutes. Ah, qu'elle est heureuse, qu'elle est heureuse, qu'elle est heureuse. Ah, qu'elle est heureuse d'avoir un tel biroute. Ah, qu'elle est heureuse de pouvoir s'en servir avec un bec du poil. Sous les roses. Quelle société, elle sera prospère. Quelle société, elle sera prospère, elle sera prospère. Un acadra, un vieux drapeau, avec un birotin haut. Avec un birotin haut, et un dira quel biroute. Sur l'air du train danser, veulent-tu jouer les biroutes? Parce qu'elle est heureuse, qu'elle est heureuse, qu'elle est heureuse. Parce qu'elle est heureuse d'avoir un tel biroute. Parce qu'elle est heureuse de pouvoir s'en servir avec un lait du poil. Sous les roses. Quand le président il se mariera, quand le président il se mariera, il se mariera. On ira tous à sa mariage avec une boîte de cirage. Avec une boîte de cirage et un liage qui grasse biroute. Sur l'air du train danser, voltigeraient les biroutes. Ah, qu'elle est heureuse, qu'elle est heureuse, qu'elle est heureuse. Président, il mourira. Quel président, il mourira, il mourira. Un miracle, tout à fin de main, avec le spirou de Tasmin. Avec le spirou de Tasmin, et la patronne de l'Obiroute. Sur l'air du trois, danser, voltiger les biroutes. Ah, c'est les deux roses, c'est les deux roses, c'est les deux roses. Quand la guerre elle éclatera, et quand la guerre elle éclatera, on ira tous à la frontière avec eux Spirou Talaire. Avec eux Spirou Talaire, un bâtira toute biroute. Sur l'air du train danser, voltiger les biroutes. Ah, quelle est heureuse, quelle est heureuse, quelle est heureuse. Ah, quelle est heureuse. Chères Françaises, chers Français, en ces temps troublés par la conjoncture hostile, les grèves, les plans sociaux et les femmes voilées, évidemment, nous vous adressons nos vœux les plus chaleureux, les plus sincères et les plus joyeux. Et pour ce faire, nous vous avons réservé une petite surprise, la présence d'un brave intermittent du spectacle. Bonjour mon brave. Bonjour. Allez, jeune troubadour, joue pour nous. Allez, chante. 3, 4. On s'embrasse au mois de janvier, car une nouvelle année commence, et cette fois tout sera réformé, elle va vraiment changer la France. En 2020 on sera heureux, il y aura de l'amour dans les chaumières, c'est évident, ça crève les yeux, comme un flashball de Castaner. Non, qu'est-ce que tu fais? Non. Tu ne chantes pas toi? Et puis ce sont des vœux, il faut rester sympathique. Eh bien oui, voilà, il est taquin celui-là. Voilà. Allez, refrain. 3. Nos meilleurs vœux, cher Hexagone, du bonheur, du flouze et du vin. Et puis que ta santé soit bonne pour cette belle année 2020. On fêtera au printemps prochain la fin des régimes spéciaux, de ces rigolos bout en train, de ces feignasses de cheminots. Vive le président Macron, luttant contre les privilèges. C'est sûr, il va faire un carton comme Polanski dans un collège. Non, mais c'est pas possible, ça. Hé, t'es pas avec tes copains punk à chien, là. On s'adresse à des gens sérieux, on est chez Edwy Plenel, ici. Oui, alors. Mais il me fait peur avec sa moustache. Oui, mais c'est pas la question, à nous aussi, il nous fait peur. Oui, comme ça. On dirait Staline. Oui, mais on doit rassurer les gens, d'accord, voilà. Allez, 3, 4. Nos meilleurs vœux, cher Hexagone. Un CDI de la joie du vin. Et puis que ta santé soit bonne pour tes heures sup en 2020. Viendra l'été, sa chaleur, mais pas le temps de lambiner. Nous, ce qu'on aime, c'est le labeur au service du PIB. Parce qu'il faut bien gagner sa croûte. Le travail, c'est le pouvoir d'achat. On sera pas payé à rien foutre. Ouais, pas comme Jean-Paul te le voit. Tu arrêtes ça immédiatement. Mais il le fait exprès, hein. C'est quoi, c'est la CGT, là? On bloque le pays? On prend les gens en otage? Franchement, si tu continues, tu ne seras pas payé, hein. Non, mais il n'est pas payé. Non, je suis pas payé. Non, on l'a pas payé. Ah bon? Non. Mais c'est très bien, ça. Oui, c'est bien. C'est bon pour la croissance. Mais évidemment. Allez, on perd en rentabilité, les amis. 3, 4. Nos meilleurs vœux, cher Hexagone. Un iPhone de la joie du vin. Et puis que ta santé soit bonne pour prospérer en 2020. Cette année, on sera sauvés, on aura toutes les solutions. La Terre ne sera plus en danger. Merci Kim, merci Brune Poirson. Oui, merci Brune. Le plastique sera interdit, comme le diesel, le kérosène. Au siècle prochain, les amis, make foutage de gueule, quit again. Bien fait. Voilà. Oh. Désolé, Charline. J'ai un accès de violence. Mais je comprends, vous avez eu raison. Mais dites-moi, est-ce que ça a une bonne mutuelle à un intermittent du spectacle? De toute façon, il n'y a plus de lit dans les hôpitaux, donc il va crever. Là, c'est vrai, on s'en fout. Allez, 3, 4. Allez, courage, cher Hexagone, afin de retrouver la patate. Il faut que tes lectures soient bonnes. Abonnez-vous à Mediapart.